envoyer des podcasts, des choses que vous faites. Des intentions, des idées. Oui, tout est possible. Et il y a toujours le moyen de nous contacter via l'adresse à la cloche de bois @riseup.net. Nous allons écouter un bref extrait de la manifestation pour Ibrahima qui a eu lieu mercredi 13 janvier 2021. Et ensuite, Gwendo fera quelques commentaires pour vous expliquer le contexte. Bonne écoute. Parce qu'on en a marre. On en a marre que nos frères meurent. Et nos sœurs. Justice. Et on ira jusqu'au bout. Ouais, pour qu'elle éclate. Sachez-le que moi j'en ai marre. On en a pas. On crie. Tout ce qu'on veut, c'est grandir normalement, sans avoir peur de se faire contrôler, sans avoir peur. Justement, j'ai peur d'être le prochain en fait. On a tous peur d'être le prochain. C'est pour ça qu'on est tous présents ici. On veut que les choses se passent concrètement. On veut que les meurtriers, les assassins qui ont tué Ibrahima, Adil, Manda, Mehdi, tous se fassent condamner. Je tiens que les policiers, certains font très bien leur travail, mais que certains, tous les assassins, vont prier et doivent prier. Si c'est pas ici, ça sera dans l'au-delà. Répétera pour les morts. Allah Akbar et justice pour Ibrahima. L'actualité d'aujourd'hui. On a quand même voulu aussi en parler. Donc c'est le Rassemblement pour justice pour Ibrahima qui a décidé après son arrestation. C'était dans la soirée du 9 janvier. Ibrahima, le jeune Bruxellois de 23 ans, est décédé à l'hôpital après une arrestation policière près de la gare du Nord. La police a attendu plusieurs heures avant de contacter la famille de la victime vers 2h30 du matin, sans donner le nom de l'hôpital dans lequel le jeune se trouvait. Selon le journal La Capitale, Ibrahima aurait été interpellé alors qu'il filmait un contrôle policier. Filmer la police en Belgique est pourtant un droit. À l'hôpital Saint-Jean, les médecins ont expliqué à la famille qu'il y avait plusieurs hématomes sur le corps et qu'il était mort d'un arrêt cardiaque. Mais apparemment, quand même, Ibrahim était en bonne santé physique. Il est peu probable qu'une crise cardiaque l'ait secoué sans raison. Et donc, il n'y a pour l'instant pas plus d'informations. C'est pour ça qu'il y a eu ce rassemblement pour connaître la vérité et pour demander la justice. Pourquoi on fait ça quand même ici à l'émission à la Cloche de Bois? C'est parce qu'on se disait quand même, avec le Covid et les mesures corona, c'est quand même aussi un peu lié au logement, parce que c'est quand même connu que beaucoup de jeunes vivent dans des logements assez petits, pas beaucoup d'espace, et qui fréquentent beaucoup plus les rues dehors de la maison, parce qu'il n'y a pas beaucoup de place à la maison. C'est pas qu'ils ont des grands villas comme, où on peut s'amuser toute la journée à l'intérieur. Donc c'est quand même une population de jeunes ici à Bruxelles qui a beaucoup plus d'or. Et voilà, donc c'est quand même aussi des conséquences un peu liées à la situation de logement et le besoin d'avoir des espaces pour vivre. Et apparemment, oui, l'espace maintenant à l'extérieur, l'espace public et tout ça, c'est devenu vraiment, vraiment un bataille entre police et jeunes. Voilà, et en plus de tout ça, on voulait quand même faire hommage à tout ça aussi, parce qu'on comprend vraiment pas que ça peut à chaque fois aussi être justifié, soi-disant, le côté de la police, cette violence. Et ça ferait c'est maintenant combien de gens, on ne sait même plus le nombre, qui meurent à Bruxelles à cause de violences policières. Ben voilà. Et à ça, on va... Ouais, c'est vrai que c'est pas pour rien de... C'est pas pour rien que les questions sont liées, qu'il y a beaucoup de gens qui s'intéressent à la fois au logement et au droit au logement, et puis aussi aux injustices à Bruxelles. En tout cas, c'est des milieux militants qui sont très liés. Plus ça va, plus on le constate, quoi. Ouais, et donc Reclaim the Streets, c'était aussi longtemps déjà une lutte. On a le droit d'être dans la rue, et même après le couvre-feu et tout ça. Voilà. Dans ce sens, on va essayer maintenant d'écouter en finale la musique de Bérurnier Noir. Voilà. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la sans droit ni titre, ainsi il squatte, sans toit ni loi, ainsi squatte-t-il, souvent fauché, ainsi il squatte, toujours martelé. C'est reparti pour quelques tours de manivelle dans l'histoire des luttes des locataires face à ces messieurs, les vautours, propriétaires et leurs amis concierges, juges, huissiers et autres flicailleries en tout genre. Alors, c'est le 4e volet de la série, donc, si vous êtes un peu perdu, n'hésitez pas à écouter les anciennes émissions, il y a du pain sur la table. Mais avant de commencer, quelques remarques sur le contexte. Donc pensez bien que l'on parle de ce qui se passe en France. Et au vu de ce que nous connaissons, c'est assez comparable à la situation en Belgique. Les conditions de vie et de survie pour les ouvriers et les ouvrières sont misérables. Les logements sont une calamité sans nom, insalubre, immonde. La promiscuité y est affligeante. La tuberculose y pullule. Les loyers étaient impayables et les rues étaient quotidiennement animées par le déménagement et les expulsions. Ce qu'on connaît moins, c'est concernant les luttes des locataires en Belgique. Nous n'avons pas encore mis la main sur des sources conséquentes, mais qu'à cela ne tienne, ça ne saurait tarder. Vous vous en souvenez peut-être, sinon je vous le rappelle brièvement, nous avions commencé notre histoire après la tentative révolutionnaire de la Commune de Paris de 1870, c'est-à-dire à la grosse louche entre 1880 et 1900. À cette époque, les prolétaires se révoltent violemment et résolument contre leurs conditions de vie et leurs conditions de logement exécrables. Ils et elles s'organisèrent au sein d'un comité révolutionnaire pour la grève des loyers, puis par la suite dans différentes organisations plus ou moins formelles où se pratiquaient les déménagements à la cloche de bois. Ah, j'avais oublié de préciser, mais le mouvement des luttes des locataires fortement animé par les anarchistes à l'époque avait connu un coup d'arrêt suite à une forte répression subie dans les années 1892 et 1894. Faisons un petit saut historique. Donc, le 6 janvier 1910, dans un contexte de forte hausse des prix et d'importants mouvements de grève, fut créée à la Bourse du Travail de Clichy l'Union syndicale des locataires, des ouvriers et des employés du département de la Seine. Cette louable initiative se place dans la continuité des luttes des locataires de l'époque dues à la situation criante. Un certain Jean Breton, ouvrier, voiturier et anarchiste appelé aussi Constant, ancien communard qui avait participé à la grève des loyers dans la fin du 19e siècle, participa activement à sa création. Alors, quels étaient les objectifs et surtout les pratiques de cette fameuse union syndicale des locataires ? C'était d'empêcher la saisie du mobilier ouvrier pour des loyers impayés. Il faut souligner qu'à l'époque, dans ces mobiliers se trouvent aussi des outils de travail, car beaucoup de prolos travaillaient chez eux pour gagner leur maigre croûte de pain. Il y avait aussi l'assainissement des logements insalubres par les propriétaires, mais également la suppression des étrennes sommes d'argent dues aux concierges. L'union syndicale dénonçait également les propriétaires qui refusent de louer à des familles nombreuses. Le but final de cette union des locataires, c'était la grève des loyers. Dans la pratique, l'union donne des conseils juridiques, mais elle pratique également le déménagement à la cloche de bois, c'est-à-dire des déménagements réalisés avant la saisie du mobilier. Elle s'oppose physiquement aux huissiers lors des expulsions. Elle arrive parfois d'ailleurs à faire reporter des augmentations de loyers. Elle dénonce publiquement les propriétaires et les concierges et elle organise des manifestations. L'union occupera à plusieurs reprises des mairies et autres bâtiments étatiques pour au départ réclamer puis imposer un relogement immédiat. L'union s'exprime par voie d'affiches, tracts et réunions. Elle participe à la rédaction quotidienne dans différents journaux, dont La Bataille syndicaliste, La Guerre sociale et Le Père Peinard. Elle créera une série de sections locales dans tout le département de la Seine. En 1911, un certain Georges Cochon, ouvrier tapissier et anarchiste, devient le secrétaire général de l'Union syndicale des locataires. Cela étant dit, en avril 1911, Jean Breton, un des fondateurs de l'Union syndicale, s'opposa à la forte personnalité de Georges Cochon. Jean Breton critiquait notre Cochon ainsi que le conseil d'administration pour avoir demandé l'appui des députés par rapport aux revendications de l'Union des locataires. Par la suite, Jean Breton et d'autres critiqueront également le fait que Georges Cochon se présenta aux élections municipales de 1912. D'une manière générale, l'Union syndicale des locataires était divisée sur la stratégie à adopter. Certains étaient partisans de la généralisation des déménagements à la cloche de bois pour séquestrer les concierges pour l'action directe. D'autres seront pour y associer les parlementaires. Bref, tout le monde n'était pas d'accord, même si force est de constater que c'était l'action directe qui sera privilégiée. Il est à noter qu'en octobre 1911, les déménagements à la cloche de bois sont rendus illégaux et le préfet de police, Louis Lepine, s'en donne à cœur joie pour les réprimer, même si ceci continue. En mai 1912 ont lieu les élections municipales. Certains de l'Union des locataires participent de manière fictive à la campagne électorale dans l'idée que Georges Cochon a mis en avant, à savoir récupérer des préaux d'école pour du logement. Mais Georges Cochon reçoit de vives critiques car il se présente réellement sur les listes électorales dans le quartier du Père-Lachaise. Il tient d'ailleurs une permanence. Il laisse entendre que s'il est élu, il accepterait le jeu parlementaire. Ces histoires d'élections et de récupération politique allaient à l'encontre des principes de l'Union des locataires, qui précisait que les membres du conseil d'administration ne pouvaient s'impliquer dans des affaires électorales. Le positionnement de Georges Cochon est à la fois étonnant, mais pas complètement, car si bien il s'impliquait corps et âme dans l'action directe, il avait également en vue la voie parlementaire en faisant notamment pression sur les mandatés. Et donc là, il aurait certainement franchi le pas de trop. C'est pas que le Cochon soit cuit, mais quasi. D'une part, il essuyait un échec cuisant aux élections. Il arrive en cinquième position. Mais surtout, il se fait exclure de l'Union des locataires. Lors de son exclusion, Georges Cochon créa la Fédération nationale et internationale des locataires. Au sein de l'Union, deux positions s'affrontent. Les partisans de l'action directe et ceux qui prônent l'usage préalable des tribunaux et l'appel aux députés pour obtenir des lois favorables. À l'approche de la Première Guerre mondiale, l'Union des locataires souffrait de distensions internes. Elle se mettra en sourdine. Et suite au prochain numéro, il y a encore des mines d'or d'histoires inspirantes à vous raconter, donc restez accrochés à la cloche de bois. Et surtout, n'oublions pas que toutes ces histoires du passé ne restent pas juste de vieilles histoires poussiéreuses, mais qu'elles peuvent être des inspirations pour nos pratiques présentes et futures. Ces cochons qui se foutent des propriétaires, ces cochons qui délogent un compagnon, ces cochons, quel ami du prolétaire, ces cochons qui se foutent de l'administration. L'histoire se répète un peu en quelque sorte, parce que cette histoire de Georges Cochon est dans son rapport à l'État et aux parlementaires. Bah, il y a les mêmes débats aujourd'hui, je trouve, dans le milieu de l'occupation, entre ceux qui veulent collaborer et ceux qui veulent, au contraire, résister en tout point à l'État, quoi. Donc on voit que le temps passe, mais qu'au final, les mêmes questions se reposent. Ça, c'est chouette. On est très fiers de vous annoncer une nouvelle rubrique. Elle s'appelle « Les nouvelles de Jeannot ». Et donc voilà, c'est notre pote Jeannot qui nous relaye les dernières infos autour du logement. Coucou les petits loups, c'est Jeannot. Alors moi je vais commencer par une excellente nouvelle, une action de réquisition solidaire d'un bâtiment public. Alors depuis le 18 décembre 2020, une dizaine de collectifs et associations de personnes sans papier, d'acteurs du droit au logement ou d'habitants de Saint-Gilles et de Bruxelles occupent l'ancienne clinique Antoine de Page à Saint-Gilles. Le but de ces collectifs, ils espèrent pouvoir signer rapidement une convention avec le CPAS de Bruxelles, propriétaire du bâtiment. Celui-ci, évidemment, depuis plus d'un an et on n'a toujours pas fait l'objet d'un permis d'urbanisme, c'est-à-dire d'une conversion en logement. Un bâtiment de plus de vide, un bâtiment de plus à occuper. La mise à disposition jusqu'au début des travaux pour un projet solidaire est donc facilement envisageable. L'autre problématique qui a été soulignée par les occupants, c'est que le bâtiment vient d'être mis en vente publique, ce qui est un comble. Cette propriété publique constitue pourtant la meilleure chance de garantir un usage social pérenne, notamment pour répondre aux besoins criants de la population en matière de logement. Alors, il y a une copine qui s'est un petit peu prononcée pour cette occupation et qui nous dit que se loger est un droit fondamental. Un moratoire sur les expulsions ne suffit pas. La réalité est qu'aujourd'hui à Bruxelles, il y a plus de 4800 personnes sans abri et mal logées, avec ou sans papier, réfugiés, expulsés, réprimés par la police, à la rue ou entassés dans des logements non adaptés, trop chers ou des abris saturés. Alors que nous sommes en pleine vague de froid et de Covid, il y a encore des centaines de personnes qui dorment à la rue. Et pourtant, écoutez bien, 6,5 millions de mètres carrés sont vides en région bruxelloise et des milliers de meublés touristiques type Airbnb sont vides. Alors, qu'est-ce qu'on attend pour pouvoir loger tous ces gens qui sont à la rue ? Eh bien, c'est les pouvoirs publics qui devraient s'occuper de ça, mais si les pouvoirs publics n'offrent pas rapidement des solutions indispensables, comme la régularisation des personnes sans papier, le maintien en logement ou relogement en cas d'expulsion, la baisse des loyers, la réquisition des bâtiments vides, nous devons organiser nous-mêmes en occupant, par exemple, des bâtiments afin de pouvoir loger les familles. Alors, Mamadou, travailleur sans papier, lui nous déclare que il occupera le bâtiment et que le confinement a exacerbé la situation, déjà très difficile dans laquelle vivent des milliers de personnes en Belgique. Les personnes sans papiers sont déjà particulièrement précarisées par l'absence de droits, ça on le sait tous mais ça va mieux en le disant, de reconnaissance et de statut. De plus, un grand nombre d'entre elles n'ont plus pu travailler à cause du confinement et des dizaines de milliers de personnes sans papiers en Belgique font partie des personnes complètement oubliées de la crise sanitaire. Alors, qui dit occupation dit besoin. Les besoins suivants que je vais vous énoncer, vous pouvez les déposer sur place, donc avenue Henri Jaspard numéro 101 à Saint-Gilles, entre 10h et 20h. Donc cette occupation recherche des matelas, une et deux places avec sommier et couverture, des machines à laver, des frigos, des cuisinières électriques, des télévisions pour pièces communes, des fauteuils en bon état évidemment, des armoires petites et grandes, des tables, des chaises, des tréteaux, des gobelets et cuillères jetables, du café, des filtres, des sucres, nourriture, pas de pain parce que ça ils ont déjà, petit lavabo, néon, matière de nettoyage, sac poubelle 60 litres ou plus, matériel d'hygiène, petit matériel de bricolage, des rallonges, des multiprises, des marqueurs, des bics et des trousses de secours. Pas de vêtements, pas de couverture ou matelas en mauvais état. Merci pour eux. Et j'ai lu que le CPAS, ils vont laisser passer. Donc je ne sais pas s'ils ont obtenu une convention. Mais en tout cas, j'ai lu qu'ils ne vont pas expulser activement, ils vont laisser faire. Et ça m'a vraiment fait réfléchir à tous ces échos que j'ai eus, en fait, des gens qui se font envoyer en squat et en occupation précaire par les CPA, justement, par les assistants sociaux qui, eux-mêmes, en fait, ils ont aucune solution. Et il faut quand même dire, allez, le CPA, c'est quand même l'État. Et donc, en fait, l'État ne gère pas du tout leur crise de l'accès au logement. Et voilà, ça leur arrange, en fait, que d'autres personnes, ils prennent ça en main et prennent les bâtiments vides. Ça leur arrange tout à fait. Et bien sûr que accepter le truc, c'est beaucoup mieux que d'expulser, mais je veux dire, laisser vivre des gens dans des conditions quand même précaires, il faut dire ce qui est, voilà, et cautionner ça, pour moi, ça pose quand même problème, quoi. Alors, deuxième petite info du jour, le prix de l'immobilier au troisième trimestre 2020, Statbel, l'Office belge des statistiques, sur la base des actes de vente enregistrés auprès du SPF Finance, souriez, vous êtes cliqué, annonce ses principaux résultats. Le prix moyen d'une maison 4 façades en Belgique est à peu près de 220 000 euros. La région Wallonne est la moins chère du pays, avec un prix à 155 000 euros. Pour des maisons de type 2 ou 3 façades, pour les 4 façades, on monte jusqu'à 251 000 euros. Mais le plus intéressant pour nous, c'est les prix en région Bruxelles-Capitale. Et là, on atteint des prix de folie. La région Bruxelles-Capitale est la plus chère pour tous les types de logements. Les maisons de type fermé ou demi-fermé, c'est-à-dire 2, 3 façades sont au minimum, je dis bien, à 435 000 euros. Le prix pour une maison de type ouvert, c'est-à-dire une maison de 4 façades, on atteint 1 220 000 euros. Oui, vous avez bien entendu, 1 220 000 euros. Mais ce qui est très intéressant par rapport au prix de cet immobilier, bon, déjà, ça ne fait que confirmer les options qui sont les nôtres, puisqu'on n'arrivera jamais à se payer des baraques à ce prix-là, eh bien, on n'a qu'une seule possibilité, c'est de les occuper. Et ce qui est encore plus intéressant, je vous le disais, c'est l'augmentation du prix. Et oui, l'augmentation du prix, on nous précise dans les statistiques de Stadbel qu'en région Bruxelles-Capitale, tout a augmenté. Pour les maisons 2 et 3 façades, on est à plus 4,9%. Pour les maisons 4 façades, tenez-vous bien, on est à plus 45,2%. Et le prix des appartements, on est à plus 7%. Alors, ben, vous l'aurez compris, si tout ça augmente, nos loyers vont augmenter aussi. Et donc, les solutions qui s'offrent à nous, eh bien, c'est que tant qu'il y en a qui seront des couilles en or sur notre dos, il existera des lamas en acier et il existera surtout des pieds de biche pour forcer les portes. Et pour la dernière info, on va revenir sur la grève des loyers. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais à la dernière émission, avec l'entretien avec les deux personnes qui travaillent à l'Union des locataires, on avait parlé justement des moyens d'action pour un accès au logement digne pour chacun et chacune. Et donc on avait abordé la grève des loyers et donc les gens qui étaient à l'initiative de cette proposition d'action, ils reviennent dessus dans le contexte dans lequel ça a été créé et donc ils font un bilan aussi. Et c'est assez rare que des gens qui lancent une idée d'action, etc., reviennent avec un bilan écrit, etc. Donc nous, on le prend très au sérieux et donc voilà, on avait envie de le mettre en valeur. Le bilan de la grève des loyers. Bien, d'abord, qu'est-ce que c'était la grève des loyers ? C'était au départ un simple groupe Facebook qui avait lancé le nom et le slogan suivant « Plus de boulot, plus de salaire, grève des loyers ». Le groupe a rassemblé jusqu'à 1000 personnes et c'est un collectif qui s'est monté dans la foulée avec un appel à la grève. À la grève des loyers. Des initiatives similaires ont été lancées aux États-Unis, au Canada, en Italie, en France, en Angleterre, en Grèce et en Espagne. 6 mois plus tard, ils regardent dans le rétroviseur et ils dressent le bilan de tout ça. Alors, quels ont été les leviers d'action de cette grève des loyers ? Eh bien, dans un premier temps, dans la période du confinement, ils avaient tenté d'apporter une aide concrète aux locataires qui étaient en conflit avec leurs proprios. Ils avaient construit un site internet qui hébergeait une lettre type à envoyer aux propriétaires, des conseils juridiques et du matériel de communication, affiches et flyers. On en a d'ailleurs vu fleurir beaucoup sur les murs à Bruxelles et dans les quartiers. Ne connaissant pas toutes les situations et par crainte des représailles contre les locataires, ils avaient aussi encouragé avant tout à négocier une baisse du loyer plutôt qu'un non-paiement unilatéral qui, comme vous le savez peut-être pour beaucoup pour vous être trouvé dans cette fâcheuse situation, vous emmène tout droit chez le juge de paix avec des risques d'être expulsé dans la foulée. Alors, ils ont évidemment, comme pour toute grève, lancé une caisse de grève, qui avait récolté jusqu'à 8 800 euros avec le soutien de la fondation Marius Jacob. Et ils avaient lancé une plateforme de financement de crowdfunding. Mon anglais est toujours aussi mauvais. Cette caisse doit permettre aux locataires qui sont poursuivis en justice par leurs propriétaires de payer les frais. Alors, ils ont aussi créer un collectif Action Logement Bruxelles avec comme but d'organiser un suivi individuel par téléphone et en physique des personnes qui avaient envie de les contacter. Alors, le fond de cette grève de loyer nous questionne tous puisque c'est la légitimité des loyers. Avec le mouvement de la grève des loyers, ils souhaitaient questionner sur la légitimité des mêmes loyers. Alors, on sait tous que le loyer, c'est quelque chose qui pèse hyper lourd sur notre budget, parfois 30% dans le meilleur des cas, mais plus régulièrement jusqu'à 60% du budget des ménages. Ainsi, pour les locataires qui travaillent, il s'agit d'autant de temps consacré à travailler pour leur proprio. Ce qu'on vous donne d'une main quand vous travaillez, eh bien, vous le redonnez de l'autre directement à votre proprio. Et pour les allocataires, bah, c'est très simple, il s'agit d'un transfert direct de l'argent public vers les proprios. Alors, in fine, le paiement du loyer, c'est jamais qu'un instrument de plus d'exploitation du propriétaire sur son locataire. Et ce loyer est légitimé par un droit de propriété lui-même obtenu par l'exploitation ou l'héritage. Ces dernières décennies, les loyers ont augmenté beaucoup plus vite que les salaires, on vous le disait précédemment dans les chiffres énoncés par Stadbel, forçant donc tous les locataires à accepter des logements de plus en plus pourris, très petits et qui n'avaient que plus rien à voir avec des vrais logements. Ça ressemblait plus à des taudis, malheureusement. Alors, le but, quand on se retrouve à vouloir faire une grève de loyer, il précise aussi que c'est un acte individuel de payer son loyer. Ça, on le fait tous quand on a la thune pour, en début du mois, on paye notre petit loyer. Mais la volonté de cette grève des loyers était de fédérer donc tous les gens qui avaient des problématiques de logement et qui voulaient faire savoir que l'exploitation de leurs propriétaires, ça suffisait. Alors, la grève était avant tout une nécessité parce que maintenant c'est un avion, c'est plus une voiture, c'est un avion qui passe, mais on est maudit. Hein. Alors, après 6 mois d'activité, ils ont fait le constat qu'en comparaison du nombre de personnes annoncées ayant perdu une partie de leur salaire, très peu de gens les ont malheureusement contactés. Il y a eu beaucoup de retours informels de personnes qui ont effectivement négocié leur loyer sans en informer le groupe d'action ou la plateforme Internet. Cependant, ils interprètent également cela comme le résultat du droit et de la justice qui se situe du côté des proprios, puisque la protestation d'un locataire engendre des risques de représailles, comme la non-reconduction du bail ou même l'expulsion dans certains cas par la force. Alors, vous avez tous compris que, vu la situation dans laquelle on se trouve, Covid, précarité et autres, beaucoup de gens ont fortement hésité à se fédérer pour mettre en avant les revendications. Dans un marché très tendu, donc, ça vient s'ajouter un risque important de ne pas retrouver un logement, ou d'accepter des conditions encore diminuées, loyers plus élevés, logements plus petits ou encore moins bonne qualité. Alors, quelles ont été les réactions? Eh bien oui, évidemment, quand on fait la grève, il y a souvent des réactions. Les premiers à avoir fait des réactions étaient les petits propriétaires. Parmi les réactions qui ont été suscitées, les petits proprios, c'est qu'allez-vous faire des petits propriétaires qui ne peuvent pas se passer de leur revenu locatif? Pour moi, à la lecture de ce qui avait été fait par la plateforme, ils ont soulevé une problématique très intéressante. C'est de dire que on entend beaucoup ces petits propriétaires se plaindre en disant qu'ils ont absolument besoin de leur loyer pour pouvoir s'en sortir. C'est peut-être vrai pour certains, mais c'est loin d'être le cas pour la majorité de ceux qui le disent. Et donc on sait très bien que par rapport aux gens qui sont à la rue et qui ont des difficultés à se loger, eh bien le propriétaire, lui, sera toujours mieux loti avec ses rentrées financières mensuelles. Et que donc, par rapport à ça, les petits propriétaires, c'est bien l'arbre qui cache la forêt. C'est moi, je suis pauvre petite personne qui a 3 fois rien pour vivre, mais j'en poche quand même 700, 800, 900, 1000 euros, voire même plus, par loyer mensuel. Et donc, la vie est vraiment dure pour les petits propriétaires. Alors, il y a eu la réaction évidemment du syndicat des propriétaires et du gouvernement. Déjà, syndicat des propriétaires et gouvernement, ça devrait déjà nous mettre la puce à l'oreille. Ce ne sont pas des amis, ça c'est bien clair. Notre initiative, tout comme celle du syndicat des locataires qui appelait à une diminution... Bonjour! Non, c'est un monsieur qui passe, c'est plus un avion, c'est plus une voiture, c'est un monsieur. Une diminution, donc l'initiative du syndicat des locataires appelait une diminution de 25% du loyer. A également suscité la réaction donc du syndicat des propriétaires au journal télévisé et dans leur journal. On y voit de là la preuve que lorsqu'on touche au loyer, le nerf d'exploitation par le logement, les propriétaires s'inquiètent. C'est-à-dire que là, ils sentent le vent du boulet arriver et donc là, c'est la grosse panique. Au point que le gouvernement bruxellois a quant à lui mis en place une petite allocation de 214 euros dont beaucoup sont exclus. Personnes sans papier, travailleurs non déclarés, étudiants et qui en réalité ne sert qu'à assurer le bon paiement des loyers et surtout, comme souvent quand c'est le cas avec les politiques, c'est des effets d'annonce. Voyez, bonnes gens, on aide tout le monde, mais en fait, les conditions pour pouvoir avoir accès aux aides sont tellement drastiques qu'en fin de compte, bah, il n'y a personne qui y a droit, quoi. Alors, face aux différents éléments évoqués dans ce bilan, il nous semble tout d'abord essentiel de continuer à organiser le soutien aux locataires en galère, nous précise-t-il, d'autant plus que la reprise des justices de paix va bientôt arriver. Elle a commencé au mois de juin, mais avec la fin du Covid, espérons-le, on peut très certainement s'attendre à ce que ça reprenne de plus belle. Donc voilà, c'était la dernière petite info de Jano. J'espère que celles-ci vous ont plu. Néanmoins, si vous avez des infos à nous faire parvenir, vous n'hésitez pas, on mettra nos communications, on mettra notre adresse mail où nos copains et copines vous les mentionneront peut-être au cours de l'émission, et on attend donc vos infos avec impatience. Merci les petits loups et à bientôt. Avant d'écouter la pièce de théâtre sonore qui aborde la question des expulsions de logements d'un point de vue juridique, je vous fais part brièvement de quelques remarques qu'a soulevé après l'écoute de cette pièce de théâtre les gens de l'émission posaient un peu des questions parce qu'on trouvait que des fois la pièce n'ouvre pas de perspective par rapport à d'autres actions qui sortent du cadre strict des lois. Et on comprend que ce n'est pas l'objectif de cette pièce de théâtre, mais comme l'idée qui traverse l'esprit de l'émission à la cloche de bois tente de mettre justement en avant des résistances qui sont bien souvent hors des clous de la justice, on trouvait ça important de vous partager ça. Et on s'en doute, ce ne sera pas la première ni la dernière fois que nous nous étriperons joyeusement sur la question de comment faire. Et donc, on vous souhaite une bonne écoute. Et pour les voyous et les voyoutes, en tout genre, bonne sieste. Au début des mesures de confinement du printemps 2020, naissaient deux mouvements à Bruxelles. Celui de la grève des loyers et Action Logement Bruxelles. Les deux étaient conscients des difficultés à se maintenir ou d'accéder à un logement digne à Bruxelles. Ces difficultés ne pouvaient que s'amplifier dans le contexte de bouleversements socio-économiques et de confinements liés à la pandémie Covid. En effet, dans ce contexte, des masses de locataires ont perdu l'accès à leurs revenus, déjà précaires, et ont été encore plus fragilisés dans leurs négociations avec leurs propriétaires. Des milliers de travailleurs et travailleuses, avec ou sans papier, ont perdu leur source de revenus, et avec elle, la possibilité de payer pour se loger. D'autres ménages, déjà précaires, ont de plus en plus eu du mal à boucler leur fin de mois pour de multiples raisons. Augmentation du prix des denrées alimentaires, difficulté d'accès à l'aide sociale. Désormais, toutes ces personnes risquent de se retrouver à la rue. Assez rapidement, le gouvernement bruxellois adoptera un moratoire contre les expulsions, protégeant en principe les locataires. Néanmoins, ce moratoire n'empêchera pas certains propriétaires de faire pression sur leurs locataires en difficulté et de les expulser. Fin août 2020, ce moratoire est levé alors que des milliers de personnes sont toujours sur le carreau. C'est ainsi que début septembre 2020, les mouvements Grève des loyers et Action Logement, mais aussi des locataires, des personnes sans abri, des squatteurs et squatteuses, des sans-papiers et divers collectifs, se regroupèrent dans un large front anti-expulsion pour refuser que les suites du confinement continue à jeter des gens à la rue. De ce rassemblement, une multitude de groupes d'actions et de réflexions sont nés dans un groupe d'action pour bloquer les expulsions, un groupe de contact pour orienter les personnes sous le coup d'une expulsion, et aussi le groupe formation légale visant à outiller juridiquement les personnes sujettes ou menacées d'expulsion afin que celles-ci puissent faire face à leurs propriétaires, à la justice de paix, ou encore huissier de justice. Ce groupe a notamment mis sur pied une petite pièce de théâtre pour rendre plus abordable un sujet parfois technique, qui perd les locataires dans un dédale de procédures. Nous voudrions insister sur le fait que la procédure légale n'est certainement pas la seule façon de résister aux expulsions. Mais force est de constater que la réalité est telle qu'à l'heure actuelle, de nombreuses personnes se retrouvent seules et démunies face à la justice. Vous constaterez que les rôles de la pièce sont très réalistes. Ils illustrent en cela la triste réalité des rapports de domination existants de la justice et des propriétaires sur les locataires. Il est évident que la justice, telle qu'elle existe, facilite les objectifs des propriétaires. Mais la pièce jette une lumière sur les marges de manœuvre qui existent au sein de ce système pour ne pas y rester englué. Bienvenue dans cette mise en scène sonore retraçant les différentes étapes de la procédure judiciaire conduisant à l'expulsion de logement. Dans ce podcast, nous allons vous parler du cas de figure le plus courant, celui où un propriétaire privé expulse son locataire alors qu'ils sont tous deux liés par un lien contractuel. Pour prouver qu'il y a un lien contractuel, L'idéal est d'avoir un contrat de bail écrit, mais si ce n'est pas le cas, les preuves du paiement d'un loyer peuvent aussi faire l'affaire. Lorsqu'il n'y a pas de lien contractuel, on dit qu'il s'agit d'occupation sans titre ni droit. Dans ce cas-là, la procédure judiciaire est un peu différente, mais nous n'allons pas aborder ce cas particulier ici. Il existe aussi un autre type d'expulsion, appelé les expulsions administratives. Dans ces cas-ci, il s'agit de logements présentant un risque grave pour la sécurité ou la santé des occupants ou de la population en général. Pour expulser des gens sous ce prétexte-là, c'est le bourgmestre de la commune qui doit donner l'ordre d'expulsion. Mais ce type d'expulsion est plutôt rare dans les faits, et comme la procédure est tout autre, nous n'allons pas non plus la décrire ici. L'objectif de ce podcast, c'est de vous raconter le fil rouge de la procédure d'expulsion lorsqu'un propriétaire veut mettre son locataire dehors. Nous nous concentrons là-dessus car il s'agit de la majorité des expulsions de logements, qu'elles sont très peu visibles et qu'elles concernent le plus souvent des personnes ou des familles qui n'ont pas les moyens de s'organiser ou de solliciter de l'aide. Pour vous raconter cette procédure sous forme d'histoire, nous avons quatre personnages. Je suis Madame Payet, la locataire. Je suis Monsieur de la Thune, le propriétaire. Je suis Monsieur de la Justice, représentant tous les membres de la Justice de Paix. Je suis aussi Monsieur de l'Huissier, qui est huissier de justice. La procédure est découpée en cinq chapitres. Premièrement, il y a l'introduction de la demande. C'est là où l'on voit comment démarre une procédure judiciaire. Deuxièmement, il y a l'audience. C'est le moment où le locataire et le propriétaire se retrouvent face au juge de paix et expliquent chacun leur point de vue. Troisièmement, il y a le jugement. C'est la décision qui est prise par le juge. Quatrièmement, il y a l'exécution forcée du jugement. C'est ici que l'on verra comment l'expulsion physique est organisée. Et pour finir, le dernier chapitre expliquera comment faire un recours si l'on n'est pas d'accord avec la décision du juge. C'est parti. Chapitre 1. Introduction de la demande. Voici Madame Payet. J'ai toujours été locataire. Les loyers sont devenus impayables à Bruxelles. Là, j'ai trouvé un appart à Anderlecht, mais il n'est pas terrible. Il est vraiment en mauvais état, mais bon, c'est tout ce que je pouvais me permettre avec mon budget. Il y a une chambre pour les enfants, et moi. Je dors sur le clic-clac dans le salon. Et voici Monsieur de la Thune. Et moi, je suis propriétaire. J'ai travaillé toute ma vie pour avoir ce que j'ai. Mon locataire n'est pas très régulier dans le paiement de son loyer. En plus, il n'a pas l'air de bien entretenir mon logement. Ça commence à bien faire. Très sincèrement, j'aurais pu le mettre dehors moi-même en changeant la serrure et puis basta. Même si c'est illégal, il y a des propriétaires qui font comme ça. Et même si vous portez plainte pour ça, je ne risquerai pas grand-chose. Je vous le dis moi, vous avez de la chance d'être tombé sur quelqu'un comme moi qui veut faire les choses proprement et dans les règles, Madame Payet. En effet, on ne peut pas expulser un locataire n'importe comment. Qu'il y ait un contrat de bail ou pas, les propriétaires sont toujours obligés de passer par la justice pour pouvoir faire expulser des gens. S'ils ne le font pas, ils commettent une expulsion illégale. La personne expulsée illégalement peut porter plainte pour diverses infractions pénales, comme la violation de domicile, le vol avec effraction ou encore la dégradation de mobilier. Elle peut aussi faire une action en justice pour réclamer des dommages et intérêts au propriétaire. Pour pouvoir faire expulser sa locataire en bonne et due forme, Monsieur de la Thune, notre propriétaire, doit obtenir un jugement autorisant son expulsion. Pour cela, il doit passer devant un juge de paix, et plus précisément, devant le juge de paix du lieu où se situe le logement mis en location. Ah, voici Monsieur de la Justice, justement. Dans notre histoire, il représente la justice de paix, et pour cela, il jouera en même temps les rôles de greffier et de juge. Bonjour, moi je suis juge et greffier. Les greffiers, ce sont en quelque sorte les assistants ou les secrétaires du juge. D'ailleurs, le secrétariat d'une justice de paix ne s'appelle pas secrétariat, mais greffe. Vous pouvez venir nous poser vos questions d'ordre juridique. Cela fait partie de nos missions d'informer sur la loi et la procédure judiciaire. Par contre, nous ne pouvons pas vous donner de conseils. Pour cela, il faut prendre un avocat ou vous tourner vers les associations d'aide juridique. Monsieur de la Thune se rend donc au greffe de la justice de paix d'Anderlecht. Bonjour. Je voudrais mettre mon locataire dehors parce qu'il ne paye pas son loyer. Comment dois-je faire, monsieur de la justice ? Eh bien, la première étape, c'est d'introduire une demande d'expulsion. Pour cela, il y a trois méthodes qui sont possibles. La première méthode, c'est la requête conjointe. Pour cela, il faut que vous et votre locataire, vous décidiez ensemble de venir devant la justice, afin que je tranche entre vous deux. Est-ce que votre locataire veut venir en justice ? Non, sûrement pas, non. Oui, ça m'étonne pas. En matière d'expulsion, ça n'arrive quasi jamais. Pour les deux autres méthodes d'introduction, vous n'avez pas besoin du locataire. Il s'agit de la requête simple et de la citation. Si vous choisissez la requête simple, vous avez simplement à remplir ce formulaire. Nous vous convoquerons, vous et votre locataire, à une audience dans les prochaines semaines. Si vous choisissez la citation, vous devez passer par un huissier de justice. Dans ce cas, c'est l'huissier de justice qui inscrira votre affaire à une audience. Et c'est lui aussi qui préviendra votre locataire. La requête simple coûte 50 euros. La citation, avec l'huissier de justice, coûte 200 à 300 euros. D'accord. Mais du coup, quel est l'avantage de faire une citation avec un huissier de justice ? Eh bien, si c'est l'huissier de justice qui va porter la citation au locataire, il va pouvoir lui expliquer oralement de quoi il s'agit. Bon, il est possible que votre locataire ne soit pas chez lui au moment où l'huissier viendra le voir. Dans ce cas, le locataire recevra simplement les informations dans sa boîte aux lettres. Bon, si j'ai bien compris, il n'y a pas vraiment d'avantage à prendre un huissier et la requête est moins chère. Je vais remplir le formulaire de requête alors. Monsieur Delatune s'éloigne pour remplir le formulaire de requête et, penché dessus, se parle à lui-même. Très bien donc. Partie demanderesse, c'est moi. Partie défendresse, c'est Madame Payet, ma locataire. Donc ce que je demande au juge, c'est 4 loyers d'arriéré, 4 fois 700, donc c'est 2800 euros. Oui, je demande que le bail prenne fin immédiatement, que Madame Payet soit expulsée le plus vite possible. Ah, tiens, je peux demander des indemnités de rupture et de relocation ? Ben oui, hein, évidemment, je prends, et des intérêts judiciaires aussi. Ben oui, ça m'a pris du temps cette histoire. Monsieur Delatune rapporte le formulaire complété au greffier. Voilà. Très bien, nous allons vous convoquer, vous et votre locataire, à une audience dans les prochaines semaines pour entendre vos points de vue. Vous allez recevoir les informations concernant la date et l'heure par la poste sous la forme d'un pli judiciaire. Il s'agit d'une lettre recommandée. Ah, et moi, il ne faut pas que j'oublie de prévenir le CPS. Madame Payet, elle est domiciliée, rue de la Bougie, Anderlecht. Bon, ce sera le CPS d'Anderlecht. Oui, en effet, la justice est obligée de prévenir le CPAS qu'une demande d'expulsion a été introduite contre un habitant de son territoire. Le CPAS envoie alors un courrier au locataire concerné pour lui proposer de venir aux permanences, histoire de voir si quelque chose est encore possible. Le CPAS peut par exemple prendre en charge une partie des loyers impayés, ou si le locataire est déjà bénéficiaire d'un revenu du CPAS, le CPAS peut verser directement le loyer au propriétaire si cela permet au locataire de garder son logement. En plus d'apporter une aide potentielle, ce courrier donne aussi une deuxième chance au locataire d'être informé de l'audience. En effet, certains propriétaires peuvent exprès enlever le pli judiciaire de la boîte aux lettres du locataire pour qu'il ne vienne pas à l'audience et ainsi gagner plus facilement. Chapitre 2. L'audience. C'est bon, c'est les chaussures, c'est bon. Nous voici dans la salle d'audience de la justice de paix d'Anderlecht. Le juge et le greffier sont assis sur l'estrade au bout de la salle et font face à l'assemblée. Une dizaine de personnes, assises sur les bancs de bois, attendent leur tour. Le juge appelle. Madame Payet ? Monsieur Delatune ? Delatune, oui, c'est bien moi. Est-ce que votre partie adverse, Madame Payet, est là également ? Oui, je suis là. Je me permets d'interrompre rapidement l'histoire pour insister sur le fait que c'est important que les locataires viennent à l'audience. Et s'ils ne peuvent pas venir ou ne se sentent pas à l'aise, ils peuvent se faire représenter soit par un avocat, soit par un proche avec qui ils ont un lien de parenté. Quand le propriétaire et le locataire sont présents, ou du moins représentés, on dit que le jugement est contradictoire. Cela signifie que les deux parties ont pu donner leur point de vue. Quand le locataire n'est pas présent, ni représenté, alors on dit que le jugement est par défaut. Cela signifie qu'une des parties est absente. Si c'est le cas, le juge est censé accorder à la partie présente tout ce qu'elle demande à condition que ce soit des choses légales. Pour les affaires concernant des expulsions, dans plus de la moitié des cas, les locataires ne viennent pas aux audiences et les propriétaires obtiennent donc facilement ce qu'ils veulent. Dans la pratique, les juges peuvent parfois décider de postposer l'affaire à une autre audience si le locataire n'est pas là. Cela peut arriver si les charges retenues contre le locataire sont assez faibles et que le juge estime qu'il faut laisser au locataire une deuxième chance de pouvoir venir s'expliquer. Cela peut aussi arriver si le juge doute que le locataire ait bien été prévenu de la date de l'audience. Mais cela dépend très fort d'un juge à l'autre, voire d'un jour à l'autre. Bon, voyons voir ce qu'il se passe à cette audience. Bon, monsieur de la Thune, pouvez-vous nous rappeler pourquoi nous sommes là ? Donc voilà, j'ai donné en location un appartement à madame Payet il y a peu moins d'un an déjà. Et sur même pas une année, elle a déjà manqué au paiement de 4 loyers, ce qui fait qu'elle m'est redevable aujourd'hui de 2 800 €, si l'on compte en plus ce mois-ci qui aurait déjà dû être payé, cela fait 3 500 €. Vous comprenez bien, monsieur le juge, qu'avec un arriéré pareil, la confiance envers madame Payet est totalement rompue et que je n'ai d'autre choix que de vous demander son expulsion dans les plus brefs délais. Merci, merci. Voyons voir ce que Madame Payet a à répondre à cela. Madame Payet, est-ce bien vrai que vous devez 5 mois de loyer à Monsieur de la Thune ? Je n'ai pas payé les premiers loyers parce que l'appartement était inhabitable. Il était en mauvais état, mal isolé. Il y avait de l'humidité partout. Mon propriétaire, Monsieur de la Thune, m'avait dit que ce serait réglé pour quand je rentrerais dans le logement et il a fait les travaux bien plus tard. Monsieur le juge, je me permets d'intervenir parce qu'effectivement, il y avait des légers problèmes d'humidité, mais de là à dire que le logement était inhabitable, il s'est installé dans le logement. Mais ça a été réglé depuis et il a même fallu lui expliquer comment on aère un appartement. N'importe quoi. Il a fallu des mois pour que vous régliez les soucis. Il y avait de gros problèmes dès le début. D'ailleurs, j'ai des photos. Il n'a fallu que 2 semaines pour faire ces travaux. Et j'aurais dû faire ça beaucoup plus vite si vous aviez été coopératif pour me laisser l'accès à l'appartement. Bon, d'accord, très bien. Mais ça ne va pas être réglé en une audience, cette affaire. Il va falloir que vous m'ameniez des preuves de tout ce que vous avancez. Les photos de l'état, les mails de vos arrangements, etc. Mais admettons, le premier mois de loyer n'est pas dû en raison des problèmes d'humidité. Ça nous laisse tout de même 4 ou 3 mois d'arriéré, de loyer, tout ça. 3 mois de loyer, monsieur le juge. Mon contrat de travail s'est terminé. J'avais un contrat, un CDD, de remplacement qui finissait en juin. Et je n'ai pas encore trouvé de boulot. Je cherche du boulot, je cherche vraiment. Je vais trouver rapidement, j'espère. Je vais essayer de retrouver les documents que vous demandez. Bien. Je propose que nous remettions la suite de ce débat à une audience dans 6 semaines. D'ici là, rassemblez toutes les preuves. Et madame Payet, essayez surtout de rembourser au maximum vos arriérés. Tout ce qu'il y a de moins à payer jouera en votre faveur. Nous voici à la fin de la première audience. Il n'y a pas toujours plusieurs audiences. Cela dépend des affaires. Ici, si Madame Payet n'était pas venue, par exemple, l'affaire aurait été réglée en 5 minutes et elle serait très probablement expulsée prochainement. Mais comme elle est venue, elle a pu contester les dires du propriétaire et l'affaire a été reportée. Nous voici 6 semaines plus tard à la 2e audience. Alors, Madame Payet et Monsieur de la Thune, est-ce qu'il y a du nouveau dans cette affaire ? Madame Payet a payé le dernier loyer. Et nous sommes mis d'accord sur le fait que le premier loyer n'était pas dû étant donné que les travaux ont tardé. Mais comme elle aurait dû payer 2 loyers depuis la dernière audience, ça fait qu'il reste toujours 4 mois d'arriéré de loyer, c'est-à-dire 2 800 €. Madame Payet paye 1 mois, puis pas l'autre. À chaque fois, elle me dit que ça viendra et une fois sur deux, ça ne vient pas. Vous comprenez bien que c'est beaucoup trop instable. J'ai des frais aussi à honorer et ça ne peut plus durer. Monsieur le juge, je vais améliorer ça, je vous promets. J'ai fait une demande d'aide au CPS aussi, mais je n'ai pas encore reçu de réponse. L'attente est longue, mais je vais bientôt trouver un job. Il faut juste encore un peu de temps. Bon, voilà ce que je propose. Madame, vous allez payer chaque mois 200 euros pour venir en apurement de vos dettes. Attention, hein, il faut les payer en plus des 700 euros de loyer. Cela veut dire qu'au total, vous devez désormais payer 900 euros chaque mois. Et cela, jusqu'à ce que les 2800 euros d'arriérés soient totalement remboursés. Mais attention, Madame Payet, si vous manquez une échéance, une seule, alors l'arrangement tombe. Dans ce cas-là, vous pourrez être expulsé sans même devoir revenir devant moi. Et vos arriérés seront exigibles immédiatement, évidemment. Et en plus de ça, vous aurez les indemnités de fin de bail à payer, donc 3 mois de loyer supplémentaire. J'y arriverai jamais. Je résume, madame. Vous pouvez rester dans votre logement tant que vous payez chaque mois, à l'heure, les 900 euros de dette et de loyer. Mais vous n'avez plus droit au moindre retard. Sinon, c'est l'expulsion immédiate. Est-ce qu'on est bien d'accord avec ça? Oui, monsieur le juge, j'ai pas le choix. Mais c'est vous qui allez me trouver un boulot? Faut bien que je garde un toit pour mes enfants. C'est pas mon travail, madame. Bien, vous recevrez une copie du jugement formalisant tout cela par écrit dans un mois environ. Chapitre 3. Le jugement. Comme vous l'avez entendu, le jugement est rendu dans le mois suivant l'audience et une copie est ensuite envoyée aux différentes parties. En matière d'expulsion, il y a 3 grandes catégories de jugements rendus. Tout d'abord, il y a les jugements ordonnant une expulsion immédiate. Il y a encore quelques étapes qui doivent être faites pour que l'expulsion physique puisse effectivement avoir lieu, et c'est ce que nous allons vous raconter dans le prochain chapitre. Mais en gros, le locataire doit partir le plus rapidement possible. Un juge de paix prononcera rarement une expulsion immédiate si les arriérés de loyer sont inférieurs à 3 mois. Ensuite, il y a les jugements qui donnent une date limite à laquelle les locataires doivent être partis. Dans de nombreux cas, il s'agit de la fin du mois en cours, mais le juge peut également accorder une date ultérieure s'il y a des circonstances particulières qui le justifient. C'est le cas par exemple pour une grossesse, une maladie, la présence d'une personne âgée ou d'un enfant qui va à l'école. Dans ce dernier cas, c'est tout à fait légitime de demander que l'expulsion ne puisse pas avoir lieu avant les prochaines vacances scolaires. Venir à l'audience peut donc permettre de retarder l'expulsion. Et enfin, il y a les jugements qui donnent aux locataires une dernière chance de payer leurs dettes. C'est comme celui que nous venons de vous montrer en exemple. Ce type de jugement ne peut être rendu que dans les cas où les locataires sont présents ou représentés par un proche ou par un avocat. Dans ce cas, le jugement établit un plan de paiement des dettes. Si le locataire est en défaut de paiement, même si c'est des mois ou des années plus tard, il pourrait être expulsé physiquement sans devoir repasser par la case justice. C'est donc une arme à double tranchant. Car même si cela permet au locataire de garder son logement, il vit désormais sous la menace permanente d'une expulsion. Le plus important, c'est de retenir qu'en venant à l'audience, il est possible d'éviter l'expulsion immédiate en négociant du temps supplémentaire ou en obtenant un plan d'étalement des arriérés de loyer. Aussi, le CPAS n'est pas prévenu de l'issue du jugement. Pour rappel, le CPAS est prévenu lorsqu'une procédure de demande d'expulsion est introduite en justice. Mais il ne sait donc pas si cette procédure aboutit à une décision judiciaire autorisant l'expulsion. Chapitre 4. L'exécution forcée du jugement. Le temps passe. Quelques mois plus tard, Madame Payet doit faire face à des dépenses imprévues et il ne lui reste plus assez d'argent pour payer les 900 euros qu'elle doit donner chaque mois au propriétaire. Monsieur de la Thune n'attendait que ça pour pouvoir enfin s'en débarrasser et mettre à sa place un locataire plus fiable. Pour savoir comment expulser définitivement Madame Payet, Monsieur Delatune retourne au greffe de la justice de paix. Bonjour, j'ai obtenu un jugement disant que mon locataire ne payait plus, je voudrais l'expulser. Comment dois-je faire? Eh bien, Monsieur Delatune, pour cela vous devez obligatoirement passer par un huissier de justice. C'est lui qui se chargera de tout organiser en respectant les délais. Bah, très bien, merci. Monsieur de la justice se transforme en Monsieur l'huissier de justice. Il est assis dans un vaste bureau chic où vient d'entrer Monsieur Delatune. Bonjour Monsieur Delatune, je me présente, je suis huissier de justice. La plus grande partie de mon travail consiste à faire exécuter les décisions de justice. Et si les gens n'obtempèrent pas d'eux-mêmes, je peux les forcer à le faire. Par exemple, si vous avez des dettes et que vous refusez de les payer, je peux saisir une partie de votre salaire. Et si vous devez quitter un lieu mais que vous ne le faites pas, je peux vous mettre dehors avec l'aide des forces de l'ordre. J'ai obtenu un jugement disant que si mon locataire ne payait plus, je pouvais l'expulser. Pouvez-vous vous en charger ? Bien sûr. Pour cela, je dois tout d'abord prévenir votre locataire que vous avez l'intention de faire exécuter le jugement par la force. Cela s'appelle faire signifier le jugement. C'est une étape obligatoire qui a deux objectifs principaux. Tout d'abord, cela garantit que votre locataire a bien pris connaissance du jugement. Deuxièmement, c'est à partir de ce moment-là que les délais commencent à courir. Ah, il y a des délais à respecter ? Oui, oui, monsieur. En général, le délai est de 30 jours. C'est-à-dire qu'il faut 30 jours minimum entre la signification du jugement et l'expulsion à proprement parler. Mais le juge peut en décider autrement. Il peut par exemple raccourcir ce délai. S'il juge que vous devez pouvoir disposer de votre bien plus rapidement, cela arrive souvent pour les nouveaux propriétaires qui veulent emménager dans le bien qu'ils viennent d'acheter. Mais le juge peut aussi décider d'allonger ce délai, s'il trouve que le locataire doit avoir plus de temps pour trouver autre chose. Dans le cas concret d'aujourd'hui, il n'est rien marqué. Donc ça va être 30 jours. Très bien. Merci de vous charger de tout. Vous pouvez compter sur moi, monsieur de la Thune. J'y vais de ce pas. Monsieur l'huissier de justice se rend à l'adresse de madame Pailly. Bonjour. Madame Pailly ? Oui. Bonjour. Je suis huissier de justice. Je viens vous avertir que vous avez un jugement à votre encontre disant que vous pouvez être expulsé si vous manquez une des échéances de paiement de votre loyer. Et apparemment, ça semble être le cas. Votre propriétaire a décidé de vous expulser. Mais je l'avais prévenu que je paierais le mois prochain. Et je vais aller où, moi ? À la rue, avec mes enfants ? Ce n'est pas mon problème, madame. Je viens simplement vous avertir que vous avez désormais 30 jours maximum pour partir. Après quoi, je serai dans l'obligation de faire appel aux forces de l'ordre pour vous expulser physiquement. C'est scandaleux, mais c'est très violent, appeler la police. Comment ça va se passer ? Je suis complètement perdue. Madame, vous inquiétez pas, je serai obligée de vous prévenir au minimum 5 jours avant la date exacte. Et je peux savoir ce qui va se passer à cette date exacte ? Eh bien, je reviendrai chez vous, accompagné de toute une équipe. La police, un serrurier, une équipe de déménageurs. Je dresserai la liste de vos meubles et ensuite les déménageurs transporteront vos affaires à l'endroit que vous leur indiquerez. Si vous n'êtes pas là, ou que vous n'avez pas d'endroit où aller, vos affaires seront amenées au dépôt communal. Et elles seront stockées pendant 6 mois. Mais j'aurai jamais le temps de trouver quelque chose d'ici là. À vos frais, bien sûr, madame. En plus. Madame, c'est pourquoi je vous encourage vivement à trouver une solution avant d'en arriver là. Dès que vous serez parti, vous devrez en avertir et m'apporter les clés. Ça pourrait être une solution. Ah, et j'allais oublier, il y a également des représentants du CPS qui seront présents le jour de l'expulsion, pour vous réorienter. Mais ce n'est pas toujours le cas et ça dépend des communes. Chapitre 5. Les recours. Nous sommes toujours sur le pas de la porte de Madame Pailly. Après un silence inquiet, elle demande au huissier de justice qui s'apprêtait à s'en aller. Mais est-ce que je peux encore faire quelque chose en justice ? Madame Pailly, vous pouvez toujours faire appel devant le tribunal de première instance. Il est situé place Poulard. Pour cela, vous avez 30 jours à partir de la signification du jugement, c'est-à-dire 30 jours à partir de maintenant, pour introduire une requête ou une citation. Mais sachez, madame, que le fait de faire appel ne suspendra pas cette procédure d'expulsion. Il y a vraiment très peu de chances que le jugement en appel soit rendu avant la date de votre expulsion physique. Mais ça sert à quoi de faire appel si ça ne me permet pas d'éviter l'expulsion ? Si jamais vous gagnez en appel, après avoir été expulsé, le propriétaire devra vous payer des dommages et intérêts pour le préjudice subi. Mais par contre, il ne vous rendra pas votre logement. Je ne suis pas censé vous donner ce genre de conseils, madame, mais franchement, ne comptez pas sur l'appel pour pouvoir rester dans l'appartement. Vous feriez mieux de partir avant l'expulsion physique. Au revoir, madame. Au revoir. Comme vous l'avez entendu, le délai maximum pour faire appel est de 30 jours après la signification du jugement par un huissier de justice. Si les 30 jours sont passés, c'est trop tard, et il n'y a plus rien qu'on puisse faire, du moins en justice. Par contre, on peut bien évidemment faire appel avant que la signification n'ait lieu. Il vaut mieux s'y prendre le plus tôt possible d'ailleurs, puisque faire appel ne permet pas d'interrompre la procédure d'expulsion. En tout cas, pas souvent, car il y a un cas de figure où faire appel permet d'interrompre l'expulsion. Il s'agit des jugements rendus par défaut qui ne comportent pas l'autorisation d'être exécutés avant la fin du délai de recours. Pour savoir si vous êtes dans ce cas de figure, il faut vérifier deux choses sur le jugement. La première chose, c'est que le jugement doit être par défaut. Et la deuxième chose, c'est qu'il ne doit être écrit nulle part que le jugement est exécutoire par provision. La formule « exécutoire par provision » permet d'exécuter provisoirement un jugement. Autrement dit, ça permet d'expulser les locataires alors que le délai de recours n'est pas encore fini. Vous allez peut-être entendre que pour les jugements par défaut, il ne faut pas faire appel devant le tribunal de première instance, mais il faut faire une opposition devant le même juge de paix. C'est parce que la loi concernant les recours a changé en 2017. La nouvelle loi dit que si les montants en jeu sont supérieurs à 2000 euros, l'opposition n'est plus possible et il faut donc faire appel devant le tribunal de première instance. Et comme une expulsion de logement n'a pas de valeur monétaire, le recours prend d'office la forme d'un appel devant le tribunal de première instance. Nous venons de parcourir les étapes de la procédure judiciaire d'expulsion. Les propriétaires sont obligés de passer par ces différentes étapes pour pouvoir mettre des locataires dehors. Une expulsion physique ne peut être réalisée qu'avec l'accord d'un juge et sous la supervision d'un huissier de justice. Si ce n'est pas le cas, l'expulsion est illégale et le locataire peut porter plainte ou mener une action en justice pour obtenir des compensations. La justice peut faire peur. Vous pouvez avoir l'impression que ça ne sert à rien d'aller à une audience, que tout est joué d'avance. Mais ce n'est pas vrai. Parfois, les expulsions peuvent être retardées, voire même évitées. Et puis, ne pas venir, c'est laisser la voie libre aux propriétaires qui obtiennent alors tout ce qu'ils demandent. Si vous ne vous sentez pas à l'aise, faites-vous conseiller ou représenter par un avocat. Pour répondre à vos questions concernant vos droits et la procédure judiciaire, vous pouvez notamment vous adresser à l'Atelier des droits sociaux et au Syndicat des locataires qui font tous deux des permanences juridiques. Pour vous faire représenter par un avocat, vous pouvez vous adresser au Bureau d'aide juridique de Bruxelles ou à des cabinets comme le Progress Lawyer Network ou le cabinet du quartier des Libertés. Pour finir, vous pouvez aussi contacter le Front anti-expulsion, un collectif qui milite contre l'expulsion de logements en soutenant les personnes menacées, en menant des actions et en interpellant les médias et politiques. Ce podcast a été réalisé par le Front anti-expulsion. Pour plus d'informations ou pour rejoindre notre mouvement, rendez-vous sur notre page Facebook Stop Expulsion, en un mot et au pluriel, sur notre site internet www.stopexpulsion.be ou nous appeler au 0465 46 47 01. Merci à Benoît, Claire, Dylan, Gwen, Mathias, Mohamed et Pernel pour la réalisation. Merci à vous pour votre écoute. Et vive la lutte pour le droit au logement. Je chiale dans l'appart d'à côté, je tiens plus le coup. Je sens que je vais craquer, va y avoir du sang partout. Vas-y, ferme les yeux, ferme-la, fume un joint, pense à rien. Faut arrêter de faire tourner le son de ce cauchemar partiel. En trêve jusqu'à demain matin, la nuit se passera de tes rêves. Vas-y, dors bien, caresse le sommeil, il paraîtrait que ça porte conseil. Ça y est, c'est l'heure où le réveil brûle. J'ai la laine d'un frigo à la benne. La pendule court, le temps recule. Ça pue le rendez-vous cramé. Répondeur plein à craquer. L'enveloppe clignote. Putain de connard, il vient d'annuler. Attends mon gars, je vais te rappeler. Allô, j'écoute le doute. Et puis ça coupe. Place pour moi. En même temps, j'attendais quoi? 3 semaines que je repousse la visite dans cette coloc en plastoc entre la rue du Chaton Pendu et l'avenue du Barloc. Chômage partiellement intemporel, c'est pas le carré d'as du CP qui va relever mon dossier. Plus de parents, pas de garant, je me sens coincé. Personne pour allonger le loyer, sa putain de gosse qui se remet à chialer dans l'appart d'à côté. Je vais lui faire bouffer la brosse à chiottes la prochaine fois qu'elle frappe à ma porte. Ok, ça y est, c'est décidé, demain je m'y remets. Je vais démarcher toutes les agences pour enquêter comme à la télé, chasser des maisons de vacances. J'ai pas encore de quoi m'endetter pour acheter mon petit lopin. Alors je note mes rêves dans un calepin de merde et je fume un joint parce que ça me met bien. Et j'enroule un deuxième pour que ça me pousse à la flemme. Un whisky tache ma mémoire, j'en oublierai presque de boire. Les larmes du parc, elles rigolent toutes seules. Le sol pleure, je m'endors avec elle en douceur. Le fond d'une bouteille m'enterre, alors je rêve de Nanterre pour sombrer comme une bouteille à la mer. Réveil en flash, comprends plus rien, une heure de moins sur mon smartphone, ça veut dire un jour de plus dans le monde des normes. Au bord de la rue, je me lève, je sais plus quoi faire, les mains tremblent, alors je m'en sers pour me servir un dernier verre. Les derniers seront les premiers, à ce qu'on dit dans les chaumières, quand soudain sonne le propriétaire. Il me dit que je suis viré, 6 mois d'arriéré, il menace de faire venir les huissiers pour débarrasser mes poussières. J'argumente, pas de travail, loi de marché, confiné, réponse de sourde oreille. Alors je lui balance ces 4 vérités comme un grand coup de tête qui n'atteindra pas ses hémisphères. Son nez renifle la BR, la police va débarquer, pas le temps de cacher toute la matière. Alors je commence à compter le temps qui reste à supporter les cris de la môme d'à côté, avant que ce bon vieux toit miteux ne se change en belle étoile pluvieuse. J'arrive devant le commissaire tête baissée. Il me dit qu'il va me garder la chance, pas de loyer à payer. Je demande combien d'années. J'entends rigoler la secrétaire. Elle me dit va te coucher, tu prendras l'air demain, on garde l'herbe. Plus tard on se rappelle, s'il te plaît, quand tu sors, fais quelque chose de toi-même. Brosse-toi les dents, vas-y, va te raser, avance, reste pas là, piétine ta dernière chance. Rien à bouffer, bien sûr, pas une thune dans les poches, même plus les clés. Alors tu sais quoi, rien à péter, j'y retourne. Je vais tenir le siège en attendant que vous y m'allège. J'irai poser quelques pièges pour garder mes privilèges. Je barricade la porte, sa mère, trêve de Noël, c'est l'hiver. Il va pas toucher sa maille, alors tu crois quoi, la ferraille ça se bouffe à la cuillère. Et au fait, rappelle-moi, ça coûte combien la mort? Et ça coûte quoi un billet vert? Pince grippe, pas besoin de jouer les fous, moi je connais la tactique. Craque le baril à échanger vite fait avec un truc à 2 balles du bazar d'à côté. En attendant demain, je ferme mes rideaux, pas de lumière pour rester discret. J'essaie de dormir direct et je m'enroule à rien. J'essaye de dormir, mais je tourne en rond comme une prod de ouf dans mon délire. J'essaie d'allumer vite fait, je veux bien finir par tomber sur une boulette ou quelques miettes sous la table. Ah bah non, en fait, j'ai trouvé un plan D, ces fils de P ont déjà coupé les lecs. En grande vadrouille dans la débrouille, on fait des boîtes froides et des nouilles sèches. Au bout d'un mois, je sens que je suis à bout, mais en fait juste au bord du gouffre. Un coup de sonnette m'y jette, une femme sympathique s'impatiente devant la porte. Je vois au loin le propriétaire des planches et des clous sur ma porte feront l'affaire, on parlera de la fenêtre. Il appelle les flics direct, ils font semblant de pas me reconnaître, alors je leur lance mes plus belles poubelles, du verre et des trucs lourds malgré les sommations. J'ai dégainé mon plus beau discours sur le droit au logement, l'état policier du confinement, la société de consommation, le plaidoyer me donne des ailes. Je ferme les yeux en jetant la gazinière. Et quand je les ouvre, pas le temps pour la détresse. braqué par deux fils de CRS croisés militaires. Mon éloquence s'arrête, leurs doigts sur la gâchette. Sensation d'un viseur pointé sur le front de mes pensées libertaires. Bah, merci à Paul Balthazar. Paul et Balthazar. Et son copain, je sais pas qui c'était, la guitare, pour ce morceau. Ça nous lance bien dans un sujet qu'on voulait déjà parler longtemps, parce que c'est vrai, quand on parle des expulsions de logements, ça nous fait froid au cœur, mais il y a eu cette histoire qui date qu'il y a 2 ans, mais qui n'est toujours pas réglée. C'est celui de Moïse Lamine Bangoura. C'est un jeune Guinéen de 27 ans qui habitait en Flandre à Rousselaar, qui a eu le cas que, parce qu'il n'avait pas payé ses derniers loyers, que la justice avait exécuté une expulsion. Et donc c'est l'huissier de justice, accompagné par la police, qui est venu à son appartement le 7 mai 2018, donc ça date il y a 2 ans. Ce qui s'est passé à ce moment-là, apparemment, Lamine Bangoura, il n'était pas vraiment au courant de toute cette procédure qui était en train de se passer. Voilà. Et donc, il était vraiment très surpris de cette visite musclée, flic, huissier devant sa porte. Et quand ils ont dit qu'il doit quitter son logement parce qu'il n'avait pas payé son loyer, il a refusé parce qu'il, voilà, il n'avait pas d'autre plan ni rien. Donc il a juste dit non, je ne pars pas d'ici. Voilà. Et ça a amené le fait que les policiers ont demandé le renfort. Et donc c'est arrivé qu'il y avait vraiment une opération musclée après pour maîtriser la mine. Dans son logement, c'était vraiment apparemment violence oppressive au niveau du cou. Donc ils sont exercés sur son corps qui était couché, et ce qui a donné ensuite aussi qu'il a perdu la vie. La famille Bangoura, il a après été mis au courant de le décès. Et ils ont été directement allés en parler aux autorités compétentes pour savoir qu'est-ce qui s'est passé et pourquoi c'était passé comme ça. Et ils sont partis civils pour connaître la vérité. Le fait, c'est que les parents, ensuite, ils ont eu vraiment multiples questions sans réponse. C'était parce que personne ne leur pouvait expliquer comment était mort leur fils. Ils n'ont pas eu accès à son dossier, et aussi ils avaient la demande pour que le corps de leur fils pouvait être répatrié en Guinée. Et apparemment, c'était aussi refusé par la justice. Donc ils avaient plein de choses qui ne se comprenaient pas du tout. Et donc ils sont entamés toute une procédure devant la justice. Malheureusement, comme dans beaucoup de cas de violences policières ces dernières années, ou même déjà avant, de nouveau, même que les médecins de loi, ils ont quand même dit qu'il était décédé dû à une combinaison apparemment d'une agitation de la mine même, parce que voilà, il voulait pas partir de chez lui. Mais c'est quand même les médecins qui ont dit que c'est aussi la violence ensuite de la part de la police. Qui a fait qu'avec plein de blessures et hématomes, qui ont fait que vraiment c'était la cause de son décès. Malgré tout cela, le parquet de Courtrai, le 27 juin 2020, cette année-ci, finalement, ils ont quand même dit que cette violence, soi-disant de la police, est justifiée, qu'il n'y avait pas vraiment des violences hors proportionnelles. Donc, de nouveau, les 8 inspecteurs de police n'ont pas été condamnés. Et donc, c'est de nouveau un non-lieu. Il y a eu plusieurs manifs aussi en hommage de Lamine et tout ça. Et apparemment aussi, après que le parquet avait décidé de ne pas poursuivre, il y a eu quand même Bah, des gens qui ont fait des menaces par Facebook, qu'ils n'étaient pas d'accord du tout avec le fait qu'il n'y a pas de poursuite et que ce n'était pas la vérité. Et la justice, de nouveau, prenait part de la côté de police. Et donc, la famille aussi, et ils n'ont pas été d'accord avec cette décision. Et donc, ils se sont dit qu'ils vont aller en recours. Normalement, il y avait prévu la suite du procès de recours le 10 novembre à Gand, devant la chambre de mise en accusation. Il y avait même un appel pour aller là-bas pour soutenir la famille et tout ça. Mais ça a été reporté. Voilà, encore une autre cas de violence policière où, de nouveau, les policiers ont soi-disant rien fait de mal. Ça, quand même, ça commence à vraiment... Allez, c'est vraiment, je sais pas, j'ai plus de mots pour dire que tout ce qui se passe maintenant dans la injustice. Moi, je trouve ça plutôt des palais d'injustice et des procédures injustes. Ben voilà, on va... Et voilà, c'était à la cloche de bois, le 4e épisode. Et ben, merci à Balthazar. Ben, merci à toi, Titi. À Gwendoline, à Serge à la technique. Le grand et Serge à Wendy et Jeannot. Et à... tous les gens qui ont participé, dont le groupe pièce, légal du Front Anti-Expulsion, pour la pièce de théâtre. C'est une émission qui est en collaboration donc Radio Air Libre, Radio Panique, Radio Campus. Les rediffusions, ce sera ce vendredi 15 sur Radio Air Libre à 21h, sur Radio Campus le 27 janvier, donc le mercredi 27 janvier à 10h du matin, et sur Radio Panique, le 27 janvier à 19h, donc sur le 105.4 FM. Et pour les podcasts, vous pouvez les retrouver sur tranchedanard.noblog.org ou également sur le site de Radio Panique, à la cloche de bois. Donc vous cherchez les émissions à la cloche de bois ou sur le blog des Lapins Électriques. Et on a également une adresse où vous pouvez nous écrire. Donc c'est à la cloche de bois, tout accroché, @riseup.net. Et on vous donne rendez-vous le deuxième mercredi de chaque mois, c'est-à-dire, en l'occurrence, le mois de février, ce sera le 10 février. Salut. Ciao, bonne soirée. Ciao. Salut. À la cloche de bois, on vous parle des luttes pour l'accès au logement pour toutes et tous. Et en soutien aux lieux de vie alternatifs et autonomes, avec ou sans papier, à Bruxelles et ailleurs. Une fois par mois, sur les ondes de Radio Air Libre, Radio Panique et Radio Campus. Les prolos sans le sou enverront une bonne flanquée à tout ce beau monde des propriétaires vautours, huissiers, juges, flics en tout genre qui nous empêchent de vivre.